éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par les temps qui courent, faut mieux être sourd, dingue, qu'entendre les flingues, faut mieux être muet que de parler au mur, ouais. Ces connards ont mué, au mieux, je préfère être curé, puis trouver le juste milieu. Je préfère être peu qu'entouré de baltringues et de merde à récurer et purée. Faut mieux se faire enculer par le système, et savoir comment, que de finir sous les ponts alcooliques mourants. Faut mieux se taire que de raconter sa vie austère et en faire un roman qu'on connaisse par cœur comme le paternoster. C'est mon décor, OJT sont des guerres qui font la une fois sur deux avec la vie précaire. Tu peux appeler le diable par son nom, ils sont en surnom, Mephisto. Lucifer, Belzébuth, Seth et l'homme en surnom. Je fais pas de serment, c'est sûrement. J'en dis trop sur mon sort, mais je m'en sers dans le son, donc je m'en sors. Dis pas de mensonge non plus, je suis pas le moins sage. J'ai pas de message, à part que la vie est merdique même dans mes songes. Du coup, je m'en sors bien. Je fais pas de serment, c'est sûrement. J'en dis trop sur mon sort, mais je m'en sers dans le son, donc je m'en sors. Je dis pas de mensonge non plus, je suis pas le moins sage, j'ai pas de message, à part que la vie est merdique même dans mes songes. Je fais pas de serment, c'est sûrement que j'en dis trop sur mon sort, mais je m'en sers dans le son, donc je m'en sors. Je dis pas de mensonge non plus, je suis pas le moins sage, j'ai pas de message, à part que la vie est merdique même dans mes songes. Par les temps qui courent, faut mieux être fou qu'avoir les pieds sur terre, faut mieux être tout seul, accompagné de cons qui au final vont saigner. De fil en aiguille, on tisse leur toile et viennent nous hanter. Sous nous doit nous compter, leur fait notre doigt nous tenter d'être aussi con qu'eux. Quoique la paresse et l'idiotie deviennent quelconques, que la plupart se contentent de vides fossiles, bien ancrés dans nos vies aussi, tout est possible. C'est pour ça que rien n'est facile et il complique tout. Ça devient dangereux, personne n'a saisi l'enjeu. La fin des temps est proche, tous entendent l'enjeu. Alors que le mal est dans nos rangs, que Dieu ne sauvera pas les hommes, que tu crois en la Bible, la Torah ou le Coran. Du coup je m'en sors bien, parce que je crois en rien. J'ai juste confiance en moi et j'aime que les miens. J'ai plus de pitié pour les hommes, ils peuvent tous crever à mes pieds. Je les connais par cœur tellement je les ai épiés. Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Je m'en sors bien, parce que je crois en rien. J'ai juste confiance en moi et j'aime que les miens. J'ai plus de pitié pour les hommes, ils peuvent tous crever à mes pieds. Je les connais par cœur tellement je les ai épiés. Du coup je m'en sors bien, parce que je crois en rien. J'ai juste confiance en moi et j'aime que les miens. J'ai plus de pitié pour les hommes, ils peuvent tous crever à mes pieds. Je les connais par cœur tellement je les ai épiés. Je fais pas de serment, c'est sûrement que j'en dis trop sur mon sort, mais je m'en sers dans le son, donc je m'en sors. Je dis pas de mensonge non plus, je suis pas le moins sage. J'ai pas de message, à part que la vie est merdique même dans mes songes. Je fais pas de serment, c'est sûrement que j'en dis trop sur mon sort, mais je m'en sers dans le son, donc je m'en sors. Je dis pas de mensonge non plus, je suis pas le moins sage. J'ai pas de message, à part que la vie est merdique même dans mes songes. Du coup je m'en sors bien, parce que je crois en rien. J'ai juste confiance en moi et j'aime que les miens. J'ai plus de pitié pour les hommes, ils peuvent tous crever à mes pieds. Je les connais par cœur tellement je les ai épiés. Je fais pas de serment, c'est sûrement que j'en dis trop sur mon sort, mais je m'en sers dans le son, donc je m'en sors. Je dis pas de mensonge non plus, je suis pas le moins sage. J'ai pas de message, à part que la vie est merdique même dans mes songes.